Micro ouvert. À chaque mois de juillet, une nouvelle vie commence. Dans le jardin, je me perds. C'est la jungle, c'est immense. À moi les cabanes, la carabine en bois. Ici le plastique ne fait pas sa loi. Il a fait la guerre pour que je ne la fasse pas. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Il ne s'en vante pas, il m'a appris un jour à me servir d'un marteau, à me coincer les doigts très fort dans un étau. Mon grand-père, c'est pas n'importe qui, solitaire. Mon grand-père, c'est moi qui vous le dis, légendaire. Amateur de Bordeaux, occasionnellement fumeur. Il aime pas les check-up, il fuit les docteurs. Jardinier à 16h, la mode du bio n'était pas née. Ça a un drôle de goût, ça me change des surgelés. Mon grand-père, c'est moi qui vous le dis, légendaire. Au milieu des abeilles, des journées au soleil, un sourire sur les lèvres jusque dans mon sommeil. Aujourd'hui le jardin me paraît tout petit. On me dit que c'est moi qui ai un peu grandi. Il me reste des images, ma carabine en bois, un étau dans un coin et des traces sur les doigts. Mon grand-père, c'est pas n'importe qui, solitaire. J'avais aussi envie de vous parler d'un site dont je reparle avec dans le micro ouvert là, et j'avais envie de vous donner exactement les références. C'est, ça s'appelle Écolier numérisé et c'est sur un site qui s'appelle Econosphère au pluriel. Et l'article dit « Informatiser l'enseignement est un peu partout présenté comme une nécessité pédagogique ou commerciale. Dossier tabou, on exagère à peine. » C'est un article mis en ligne le 6 décembre 2016 et c'est un article écrit par Eric Reidberg, Marc Ougnadi. Voilà, j'avais envie de faire votre rencontre. D'abord, merci d'avoir accepté comme ça, sans trop savoir quoi comment. Ça veut dire que vous êtes peut-être un peu un aventurier quand même. Vous m'avez invité chez vous. Et pourquoi j'ai envie de vous rencontrer, c'est parce qu'il y a un cycle, vous me dites si je me trompe, hein. Il y a un cycle pour le moment au Point Culture Bruxelles qui s'appelle « Pour un numérique critique et humain ». Et dans ce cadre-là, ben, ils invitent plusieurs personnes à venir parler de ce numérique, on va dire ça comme ça. Et entre autres, vous avez été invité au mois de décembre 2016 à faire comme une conférence, c'est-à-dire qu'on ne vous interrompt pas. Et votre conférence m'a vraiment interpellée parce que je trouvais ça très intéressant. Alors vous me dites si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais quand on parle de numérique, ben aujourd'hui, là, en 2017, il y a très peu de critiques vraiment profondes de ce numérique. C'est-à-dire qu'on trouve que ben, ça, c'est une idée géniale, c'est très pratique, c'est ludique, on a beaucoup de plaisir, mais c'est rare qu'on vraiment on le critique sur une vision à long terme, quoi. Tiens, qu'est-ce que ça peut devenir aussi, ce numérique qui prend de plus en plus de place dans nos vies quotidiennes. Et vous aviez fait toute une conférence, et j'aurais aimé que vous retraciez ces lignes qui étaient vraiment très intéressantes, je trouve. D'abord, petite présentation peut-être de vous. Qui êtes-vous, Marc Ougnadi? Ougnadi, oui. Ougnadi, c'est pas comme ça que ça s'écrit, non, alors non. Voilà. Ça s'écrit H-U-N-Y-A-D-I. Ouniadi, voilà. C'est un nom hongrois. Je suis d'origine hongroise par mes deux parents. Et voilà, donc je suis fils de réfugiés hongrois et je pense que c'est bien de le dire, de le répéter par les temps qui courent. À part ça, je suis auteur de plusieurs livres. Je suis philosophe et professeur de philosophie morale et politique à l'UCL. Donc, bon, en ce qui concerne le numérique, si vous voulez... Bon, d'abord, ce n'est pas tout à fait exact qu'il n'y a pas beaucoup de discours critiques. Il n'est peut-être pas dominant, si vous voulez, dans l'opinion publique, mais en tout cas dans les sciences humaines et en philosophie aussi, eh bien, il y a de plus en plus de critiques, en fait. De critiques, je dirais, vraiment de vaste portée, de critiques en profondeur du numérique, parce qu'on sent bien, on voit bien que, en fait... nous sommes dans une époque, je dirais, de transition. Enfin, on est déjà bien dedans, où en fait tous les paradigmes changent et où la technique, et en particulier la technique numérique, prend une emprise considérable sur nos existences. Ça veut dire qu'on se rend véritablement compte que le numérique n'est pas juste un outil, comme le marteau pouvait être un outil, ou même une machine pouvait être un outil. On a basculé en fait dans quelque chose d'autre. On a vraiment basculé dans un système. Et ce système a la particularité, si vous voulez, tendanciellement de vouloir nous remplacer. On veut remplacer l'humain. Donc c'est plus simplement, comme les outils classiques, c'est plus simplement un prolongement de nos capacités. Mais qui dit ça qu'on veut remplacer l'humain? C'est qui dit ça, en fait? Je pense que c'est une tendance, si vous voulez. C'est pas qu'il le dit, c'est que ça se fait. On le voit de plus en plus. Donc, il y a une tendance, évidemment, à l'automatisation intégrale. On connaît bien maintenant ces chaînes de montage de voitures où il n'y a plus un seul humain. Les humains sont réduits à simplement contrôler les machines. Mais d'une manière générale, je pense qu'on veut remplacer les humains. Je pense qu'il y a véritablement un projet, par exemple, pour ne pas les nommer, mais je pense qu'il faut vraiment nommer les choses et dire les choses clairement. Les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, sont des entreprises, si vous voulez, qui veulent remplacer l'humain. Je vous donne un exemple très, très concret, c'est en médecine et en pharmacie. Je pense que le projet de Google, avec la Google Médecine, la médecine connectée et tout ce qui s'ensuit, le projet, c'est d'éliminer les pharmaciens et les médecins. Je pense que c'est ça, l'horizon. Et vous pensez, mais vous n'êtes pas sain. Comment, c'est énorme ce que vous dites quand même. Les gens qui vont entendre ça vont se dire, bon, oui. c'est quoi cette idée? Personne n'annonce ça. C'est pas un projet. C'est pas à l'ordre du jour, ouais. Si vous voulez, explicite. Mais je pense que c'est ça qui se dessine derrière toutes les tendances qui existent aujourd'hui. Alors par exemple pour les pharmaciens, c'est très clair. On veut de plus en plus personnaliser. Les médicaments. Mais ça veut dire que d'un côté, il y aura des machines à diagnostic, comme on en fait déjà maintenant. Ça veut dire que vous donnez, j'imagine, une goutte de sang ou une cellule quelconque qui va exactement décrypter votre profil physiologique. Et on va pouvoir vous adresser, fabriquer et vous adresser un médicament strictement personnalisé. Le pharmacien, là-dedans, il n'a plus rien à voir. Tout passe par des machines. La machine à diagnostic et le pharmacien. Même chose pour les médecins. Sauf que ils auront encore besoin, si vous voulez, de chimistes, de pharmaciens et de médecins pour pouvoir programmer les machines. Mais ce seront les leurs. Et donc, Google va avoir, au fond, sa propre caste, je dirais, de médecins qui programmera les machines qui vont supplanter les pharmaciens et les médecins dans le monde. Voilà un exemple. Je ne pense pas du tout que ça soit de la science-fiction. Je pense véritablement, vous voyez, encore une fois, ce n'est pas un projet... Je ne peux pas dire, naturellement, que c'est un projet intentionnel et que, encore une fois, qu'ils l'ont à l'ordre du jour. Mais je pense que c'est ce à quoi tendent toutes ces évolutions. Et on connaît bien la prochaine profession qui va être dévastée, saccagée, supprimée. C'est les chauffeurs. C'est-à-dire tout ce qui concerne les chauffeurs, de bus, de taxi, etc. On connaît les développements de la voiture autonome. C'est une profession qui va être absolument sacrifiée, je dirais, dans les 10 ans qui viennent. Donc il y a une espèce de tendance très très lourde à supplanter l'humain. Donc là, on ne fabrique plus simplement un outil qui, encore une fois, prolonge nos capacités, hein, mais quelque chose qui veut remplacer l'humain. Alors ça, c'est disons, une dimension. Et puis alors, il y a une autre dimension à laquelle je suis aussi très sensible, qui a été en particulier soulignée par mon ami Bernard Stiegler, un grand philosophe qui travaille aussi sur ces questions, où il montre, il a écrit un livre, son avant-dernier livre s'appelle « La société automatique », où il montre que, en fait, Là encore, le but ou l'horizon, si vous voulez, de tous ces développements, c'est une société automatique où les gens auront, où les gens eux-mêmes seront automatiques, c'est-à-dire que leur désir sera automatique. Je vous prends un exemple qu'il cite souvent, c'est celui des cookies, ces fameux cookies qui s'infiltrent dans nos ordinateurs et qui pistent, qui tracent et mémorisent tout ce que nous faisons sur un site d'achat, de vente, enfin de si on commande une paire de chaussures, vous savez très bien que pendant 6 mois, on reçoit de la pub pour les chaussures, etc., etc. Donc, voilà, c'est ça le point. Et donc l'idée, c'est que ces cookies, en fait, s'infiltrent dans votre appareil et leur but, c'est au fond d'anticiper votre désir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous entrez en contact avec la machine, en fait, on va vous solliciter, susciter votre désir dans telle ou telle direction, qui ne fait par ailleurs que reproduire ce que vous avez déjà fait. Mais eux, leur but, c'est que nous cliquions, évidemment, le plus rapidement possible sur la case qui va nous faire acheter ce qu'ils veulent. En plus, avec la géolocalisation aujourd'hui, on voit bien que si vous vous promenez dans un centre commercial et que vous avez votre géolocalisation activée, eh bien, on vous dit tout de suite, à 20 mètres à gauche, voilà la bouteille de vin que vous cherchiez l'autre jour, ou telle paire de chaussures qui est susceptible de vous plaire, etc. Donc, il y a une espèce de répétition, de contrainte à la répétition du désir, qui fait que finalement, et c'est ça qui est intéressant dans les analyses de Stiegler, au fond, toute l'épaisseur noétique du désir, c'est-à-dire de l'esprit, hein, l'épaisseur de l'esprit, c'est-à-dire ce qui fait que quand on a du désir, ben, déjà ça dure un certain temps, et puis on peut se tromper, et puis on peut chercher, et puis on peut aller à gauche, à droite, et puis etc. Puis, voilà, tout ce qui fait l'épaisseur de spirituelle, noétique, dirait-on. Qui fait le sens de l'humain aussi, ça. Hein. Qui fait le sens de l'humain, tout ça tend à être absolument éliminé. Et maintenant, d'un point de vue encore plus général, si vous voulez, il est clair qu'on assiste aujourd'hui, quand je parlais de ces immenses évolutions là dans lesquelles nous sommes, on est de plus en plus, d'une manière générale, dans ce qu'on appelle une économie du comportement, c'est-à-dire où, en fait, le but de toutes ces machines, c'est au fond de pister, de cartographier nos comportements, savoir comment on se comporte. C'est pour ça que les objets sont de plus en plus connectés. On a des frigos connectés, des brosses à dents connectées, des fourchettes connectées, des peignes connectées. Enfin, j'adore, tout est connecté. C'est pas pour le plaisir qu'ils font ça, c'est parce que toutes les données sont bonnes à prendre. Et tout ce qu'ils peuvent savoir sur nous, puisque c'est connecté, n'est-ce pas, c'est transmis, on produit des données, tous ces appareils produisent des données, eh bien, toutes les données sont bonnes à savoir. Il faut bien comprendre que Google a déclaré, et ça c'est explicite, que eux, leur but, c'est de contrôler l'ensemble de l'information. Ils n'ont pas dit humaine ou du monde, ils ont dit l'ensemble de l'information du cosmos. Du cosmos. Ils ont dit ça ? Et ils l'ont absolument dit, et c'est terrifiant quand on y pense, n'est-ce pas ? Donc tout ce qui produit des données, tout ce qui est susceptible de produire des données est bon pour eux. Et voilà la logique des objets connectés. Alors un objet hyper connecté, c'est évidemment notre smartphone, notre téléphone dit intelligent. Il est con comme mes pieds, mais il est quand même intelligent, il fait beaucoup de choses. Mais les voitures automatiques seraient extraordinairement connectées, etc. Donc tout ça sert à cartographier nos comportements. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'une économie du comportement, parce que maintenant c'est ça qui compte, c'est au fond la matière brute. C'est pour ça que tous ces services sont gratuits, par ailleurs, parce que au fond c'est nous qui leur donnons au fond la matière première. C'est celle des informations que nous livrons. Alors tout ça produit de l'automaticité, de l'automatisme, du contrôle, de la discipline, etc. Mais le problème, c'est que ça produit aussi du plaisir. Comme disait Spinoza, ça produit des affects joyeux, n'est-ce pas ? Donc, au point de vue de notre plaisir, si vous voulez, de la jouissance que nous en avons, tous ces objets connectés, tous ces objets technologiques produisent évidemment beaucoup de plaisir. C'est ça la ruse, au fond, du capitalisme intelligent. Le capitalisme est très intelligent. C'est, au fond, de nous mettre entièrement à son service. Nous sommes complètement asservis, si vous voulez, à ce projet capitaliste des GAFA, mais en nous y faisons adhérer dans la joie. Parce qu'évidemment, un téléphone intelligent est quelque chose d'extraordinairement jouissif, effectivement. Enfin, tout le monde, voilà, on voit bien. Donc, si c'était quelque chose de désagréable ou difficile à utiliser, personne ne le ferait. Or, tout le monde le fait parce qu'effectivement, il y a beaucoup de plaisir. Donc, il y a une espèce de ruse capitaliste ici qui est absolument redoutable, absolument redoutable. Et si on considère que toute cette évolution va effectivement vers une suppression de l'humain, vers une automatisation de l'humain, vers une disciplinarisation de l'humain, créant cette société automatique inhumaine, alors on se rend compte que vraiment on est dans quelque chose qui est tout à fait terrible, qui est de l'ordre presque totalitaire, en tout cas quelque chose qui est en train d'annihiler l'humain en l'homme. Annihiler l'humain en l'homme, et ceci dans la joie de l'humain. Donc on oui, donc oui, la tâche est redoutable. Si vous voulez, pour faire une critique du numérique, la tâche est absolument redoutable. Parce que c'est une chose de faire la critique du numérique comme nous sommes plusieurs à le faire, si vous voulez, mais c'est autre chose d'y faire adhérer à cette critique les gens. Et en plus, les gens se sentent, quand on explique, j'ai de l'expérience évidemment dans l'explication de ces choses, vous avez cité cette conférence, naturellement beaucoup d'autres où vous avez dit qu'on ne m'interrompait pas, ce qui est vrai, mais je réponds quand même aux questions à la fin. Et je vois bien le scepticisme, si vous voulez, des gens qui disent « Ah oui, ce que vous dites est très bien, mais je ne suis pas vraiment concerné. Moi, je suis tout à fait libre. On est libre d'avoir un iPhone ou de ne pas avoir d'iPhone. » Oui, ou vous partez dans une paranoïa exagérée de ce système aussi. On peut vous regarder comme ça aussi. Hein. Voilà, c'est une réaction de défense, si vous voulez, qu'on a par rapport à ça. Je pense que cette défense est tout à fait illusoire, parce que, si vous voulez, ce qu'on dit le plus souvent, c'est au fond de dire « Oui, mais on n'a qu'à pas acheter d'iPhone, et puis au fond, ça irait très bien, ou de smartphone, ça irait très bien, etc. » Mais non, évidemment que non. Ça ne change rien, ça ne change strictement rien. C'est-à-dire nos attitudes strictement individuelles, nos petits choix individuels peuvent nous donner bonne conscience, peuvent être parfois même héroïques, c'est une forme d'héroïsme moral à refuser un peu le monde technologique. Mais enfin, on n'échappe pas du tout à l'ensemble, si vous voulez, des attentes qui sont générés du côté du système, du côté de la société, à notre égard. Imaginez un chômeur qui irait au bureau de l'emploi puis qui dirait « Écoutez, moi, par conviction personnelle, je n'utilise pas de mail, je n'ai pas de permis de conduire, je ne veux pas de téléphone portable. » Ben, on le rembarre tout de suite en disant « Monsieur, vous n'êtes pas apte à être sur le marché de l'emploi. » Donc, les attitudes individuelles ne changent rien aux attentes extraordinairement puissantes qui pèsent sur nous. Ce sont ces attentes qui sont... au fond, qui forme au fond le nœud, je dirais, le noyau de notre vie en société. Et donc, on n'échappe pas à ces attentes. Donc, quand on me dit « Oui, mais moi, je suis libre par rapport à ça », je rigole, tout simplement. Enfin, j'essaie d'expliquer naturellement, mais je rigole intérieurement. Et en même temps, je m'effraie du manque de conscience des gens, d'une manière générale, mais pas seulement, si vous voulez, du grand public, entre guillemets. La même inconscience vaut dans les universités. Les universités sont en train de singer, de courir après, au fond, cette numérisation intégrale, cette course au numérique, etc., qu'on voit partout, parce qu'il ne faut pas prendre du retard par rapport aux autres, la concurrence, machin, etc. Donc il y a une foule de choses qui fait qu'on est dans une espèce d'immense roue de hamster, si vous voulez, où on tourne tous en même temps dans une direction qui peut être absolument fatale. Moi, j'ai lu un reportage écrit sur le site Econosphère. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, Econosphère, où ils critiquaient en fait le fait que bon, les écoles, il faut les numériser à fond. Je simplifie l'idée. Et qu'en gros, il y a des enseignants qui ne veulent pas de ce numérique parce que justement, ils disent que les jeunes sont assez connectés en dehors des cours. Et donc, ce serait de réapprendre à être humain et plein d'autres choses à l'école, mais que le numérique à l'école, c'est plus un business du coup avec Microsoft. En fait, on ne remet pas du tout en question le numérique à l'école. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle maintenant la pédagogie inversée qui veut qu'effectivement les étudiants, élèves, étudiants, etc., avec leurs tablettes, au fond, apprennent ce qu'ils ont à apprendre à la maison. Et en fait, ils viennent au cours juste pour se faire accompagner par le prof, pour répondre à leurs questions, etc. Mais en fait, l'essentiel du cours, la substance du cours, elle est sur les tablettes, ce qu'on appelle les MOOCs, etc., etc. Enfin, il y a toute cette... Alors, il faut bien comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire, je ne veux pas diaboliser tout ça. Non, parce qu'il y a, y a des progrès, il y a énormément de bienfaits. Je veux dire, le fait que, par exemple, en tant que philosophe, chercheur, etc., c'est absolument extraordinaire, évidemment, unique, impensable encore il y a, je sais pas, 30 ans, d'avoir à peu près l'intégralité des bibliothèques mondiales à disposition. On peut télécharger immédiatement n'importe quel article de n'importe quelle revue, etc., avec une facilité qui est absolument extraordinaire. Bon, il ne faut pas non plus surestimer ces avantages, parce qu'il y a une accessibilité immense, mais bon, nos capacités sont limitées, donc il y a aussi beaucoup d'illusions dans cette accessibilité universelle. Mais enfin, c'est vrai, c'est indubitable, je ne le mettrai pas en question, qu'il y a là un progrès formidable. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas d'être contre la technique, être technophobe, ce serait absurde, ce serait idiot. Vraiment, je trouve que les positions technophobes sont tout simplement intenables, idiotes. Si vous voulez, thèse intenable par rapport à la technique, c'est de dire qu'en fait, la technique, elle est neutre. Hein, c'est la thèse de la neutralité de la technique. On dit la technique, elle est neutre, c'est au fond notre usage qui fait qu'on l'utilise bien ou on l'utilise mal. Mais en elle-même, la technique est neutre. Je ne pense pas du tout qu'en elle-même, la technique soit neutre. Alors ça, je ne pense pas du tout, parce que la technique, au fond, dans n'importe quel objet technique, au fond, il y a un projet de dessiner une certaine forme d'humanité. Si vous voulez, je vous donne un exemple avec ces robots aspirateurs. Qui maintenant aspire en notre absence, etc. On n'a plus besoin de passer soi-même l'aspirateur. Bon, c'est très bien, c'est tout à fait fascinant. Enfin, ça ne marche pas très bien, voilà, le projet est intéressant. Mais maintenant, imaginons, poussons ça à la limite. Hein, passer l'aspirateur, c'est une corvée. Imaginons maintenant, à la limite, que nous ayons des appareils pour toutes les corvées, qui nous remplacent absolument pour toutes les corvées, mais pour tout ce qu'on fait. Bon, vous voyez bien que là, on dessinerait une humanité un peu étrange. Ce qu'on appelle les corvées, c'est quelque chose qui nous connecte profondément, si je puis dire, au monde. Hein, c'est un rapport au monde que là, le monde qui s'use la matière, à la poussière, à la décrépitude des choses, à tout ce qu'on veut, enfin tout ce que Hannah Arendt appelait le travail. Bon, c'est-à-dire tout ce qui nous lie au cycle de l'existence. Bon, si ça c'était remplacé par des machines, parce que par miracle on trouverait une machine comme ça qui remplace tout le corvée, vous voyez bien qu'on serait une espèce d'humanité, on dessinerait une espèce d'humanité hors sol. Quoi, comme des tomates, en quelque sorte, hein, qui n'ont plus aucun contact avec le monde environnant. Donc, il ne faut jamais dire que la technique est neutre. Il y a toujours quelque chose dans la technique, c'est-à-dire il y a des idéaux dans la technique qui sont tout sauf neutres. Maintenant, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que je dis que la technique n'est pas neutre que je dis que la technique est mauvaise. Le problème avec le numérique, pour revenir à notre sujet, c'est que la numérisation du monde... en tout cas, la numérisation des techniques, disons-le comme ça, est quelque chose d'inéluctable. On ne reviendra naturellement pas en arrière, mais on peut lui donner un certain sens, une certaine orientation, une certaine signification. Actuellement, cette numérisation intégrale du monde, ce que Eric Sadin, dans ses livres, appelle la vie algorithmique. Voilà un autre critique, si vous voulez, de ces systèmes, la vie algorithmique, c'est-à-dire le fait qu'effectivement tous nos comportements sont transformés en données et que ces données sont produites et conservées quelque part. Donc toute cette vie algorithmique, actuellement, elle est mise au service d'un projet strictement capitaliste et disciplinaire. Il n'y a là-dedans... Disciplinaire, ça veut dire Disciplinaire, c'est qu'on veut contrôler les gens, sécuriser, contrôler, etc. Et standardiser, au fond, les comportements. Par exemple, on voit bien avec ces puces maintenant qui sont obligatoires dans les voitures, les nouvelles voitures ont des puces obligatoires où on peut voir votre style de conduite. On peut voir quand c'est que vous freinez, comment vous réagissez, etc. Et ce qui va immédiatement, évidemment, alimenter les banques de données des assureurs qui vont vous faire payer des primes différentielles en fonction de votre profil de conducteur. Et donc, inévitablement, ça va agir sur notre manière de conduire, si vous voulez. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que si on conduisait tous mieux, il y aurait moins de morts. Donc, voilà. Mais on voit bien le mouvement général qui vise à discipliner tous les comportements, à avoir des comportements de plus en plus standardisés, parce qu'on veut, en quelque sorte, lutter contre l'incertitude, l'indétermination humaine, la finitude humaine, etc. Donc, plus on arrivera à mettre ça sous forme d'algorithme et à discipliner les gens par algorithme interposé, mieux ce sera pour eux. Vous voyez ? Donc, c'est de ce point de vue-là que je dis que le projet numérique actuellement, de fait, je pense qu'on ne peut pas le contester, sert un projet à la fois capitaliste et disciplinaire. Mais je pense, et voilà le point fondamental, si vous voulez, pour une politique du numérique, je pense qu'il n'y a là rien d'inéluctable. Le fait, par exemple, d'avoir privatisé Internet, d'avoir permis le commerce sur Internet, est une pure décision humaine, naturellement, qui a été prise. C'est une décision politique qui a été prise à un certain moment, par Bill Clinton, d'ailleurs, voilà, qui a transformé tout à fait le net. Bon, c'était pas inéluctable. On pourrait faire du net un instrument commun, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas s'approprier et qui serait au fond à la disposition de tout le monde pour servir un projet de communication, d'échange, etc. Ce pourquoi Internet est né. Ce pourquoi Internet est né. C'était le projet initial. Échange d'informations, communication, etc. Donc il n'y a rien d'inéluctable dans ce projet capitaliste et disciplinaire. Et donc l'enjeu politique consiste à retourner ou à orienter le numérique vers une utilisation qui soit plus, je le dis comme ça, humaine entre guillemets, c'est-à-dire que effectivement qui déploie et facilite notre communication, la délibération politique, la réflexion, que sais-je. Il n'y a absolument rien, il n'y a pas d'ADN, si vous voulez, du numérique qui fasse que ça doit être un projet capitaliste. Voilà, et je pense qu'on est en train de, actuellement, l'inquiétude, si vous voulez, c'est qu'on est en train de perdre pied, c'est-à-dire qu'on perd absolument le contrôle de toutes ces choses, au point qu'on en arrive à des aberrations, où ce sont les États, par exemple l'Union européenne, qui supplient Google et quelques grands autres de lui donner les informations pour la lutte antiterroriste. Donc on a les États qui se défont de leurs fonctions régaliennes pour s'adresser à des entreprises privées pour qu'elles effectuent, en quelque sorte, leur boulot, parce que l'État n'en sait plus assez sur ses citoyens. Google en sait plus sur ses citoyens que l'État qui est supposé protéger ses citoyens. Donc on arrive à des situations, complètement aberrantes. Et moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le degré d'inconscience, en fait, de non-conscience des gens par rapport à ce phénomène. Ça voudrait dire, alors, Marc, ou Niadi. Voilà. À la fin de notre entretien, vous y arrivez. Ou Niadier, que vous êtes conscient ? Bah écoutez, j'essaye d'effectuer un travail critique. Maintenant, je suis aussi utilisateur. On est tous utilisateurs malgré nous. Je suis utilisateur. C'est-à-dire, si je voulais me retirer, il faudrait que je me retire entièrement. Il faudrait notamment que je n'ai pas de téléphone intelligent. Bon, mais il faudrait aussi que je n'utilise pas de mail. Mais enfin, non, moi, c'était la question, c'est... Comment on est conscient? Parce que vous dites, la minute d'avant, ce qui est étonnant, c'est quand même qu'on est beaucoup dans l'inconscience totale. Et moi, je vous pose la question, quoi, ça voudrait dire que vous, Marc, vous êtes conscient? C'est-à-dire, je pense, en tout cas, je ne suis pas dupe. Je suis participant, parce qu'on ne peut pas ne pas participer. C'est-à-dire, tout nous oblige à participer. Mais ça ne change rien, même si on y participe. Des fois, c'est même plus intéressant de participer et d'être, du coup, on comprend bien la machine aussi. Enfin, pour moi, ça ne tient pas en compte le fait d'être dedans ou de ne pas être dedans. Moi, je parlais vraiment de la conscience. Je pense qu'il ne faut pas être dupe. Et c'est ça le problème. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont dupes. Par exemple, pour Facebook. Facebook est un extraordinaire producteur de données. Hein ? Facebook siphonne nos données. Voilà. Mais non seulement ils siphonnent leurs données, ce n'est pas quelque chose que je déplore. C'est leur but. C'est leur but. Donc c'est pour ça que c'est... Tout au départ, ça n'a pas été fait pour ça. Mais très vite, c'est devenu ça. Et maintenant, c'est leur seul but. Donc tout ce qui facilite notre communication, l'échange des photos, des documents, de tout ce qu'on veut, tout ça, pour eux, c'est une espèce de gigantesque matière première, une mine d'or, puisque c'est là-dessus qu'ils bâtissent leur extraordinaire prospérité. Face à cela, moi, ce qui me rend fou, si vous voulez, c'est que les gens sont dupes. De ça. Ils ne se rendent pas compte. Il se trouve, je vais vous raconter une anecdote, il se trouve qu'il y a 2 mois à peu près, je me suis retiré de Facebook. Et j'ai annoncé sur Facebook que j'allais me retirer dans 10 jours. J'ai donné ce délai de 10 jours pour voir un peu, effectivement, les réactions de ceux avec lesquels j'étais en contact, etc. Mais, en fait, je n'ai rencontré aucune comment dirais-je, aucun, non seulement aucun soutien, mais aucune sympathie dans ma démarche. Parce que tout le monde me disait, mais comment tu vas, d'abord tu perds une occasion, c'est aussi quelque chose qu'on m'a dit, tu perds une occasion de diffuser davantage tes livres, mais on n'aura plus de nouvelles de toi, on ne sait plus, on ne saura plus, etc. Moi j'ai retrouvé mes amis d'enfance, etc. Amis d'enfance qui avaient été perdus de vue, et donc qui a priori ne les intéressait pas. Donc je ne vois pas pourquoi 50 ans après, 40 ans, 30 ans après, c'est intéressant de retrouver des amis que de toute façon on a perdu de vue. Bon. Mais donc ce que je veux dire, c'est que je l'ai rencontré très, très curieusement, ça a alimenté un peu d'amertume chez moi, si vous voulez, je n'ai rencontré aucune sympathie pour ce geste. L'idée étant toujours, l'argument qu'on m'opposait était toujours, mais ça facilite tellement la communication. Alors c'est là que je dis que, mais si on dit ça, c'est qu'on est dupe. Parce que, évidemment, que ça facilite la communication. Je me rends bien compte que ça facilite la communication. Mais n'oublions pas que ce n'est pas fait pour faciliter notre communication. C'est fait pour siphonner nos données. Et que, donc, plus on communique, plus il y a de données, plus ils sont contents. N'est-ce pas ? Mais donc, ce qu'on sert, c'est pas notre bien. Ce à quoi ça sert, c'est pas à notre bien-être. Ça, pour eux, c'est anecdotique, c'est, pour eux, c'est indispensable, parce que c'est comme ça que c'est, qui nous harponne, qui nous hameçonne, en quelque sorte. Mais ce qui les intéresse, eux, c'est cette gigantesque production de données. Donc nous servons leurs intérêts. En augmentant notre communication, nous servons leurs intérêts. Et ces intérêts, quand on considère effectivement le système dans son ensemble, c'est pas juste Facebook en particulier, mais au fond l'ensemble du système numérique, si vous voulez, ben on se rend compte qu'effectivement, ce qui se dessine, c'est au fond une société inhumaine, parce que tout ça fonctionne par algorithme, donc toutes ces données, personne ne contrôle ces données, hein, je veux dire, c'est pas un quelqu'un, ou même une dizaine, ou même une centaine de quelqu'un qui regarde qu'est-ce que vous avez dit, etc. Non, c'est des algorithmes, tout ça est automatisé, et le but final, au fond, c'est de standardiser les comportements, encore une fois, de les discipliner, et d'éliminer tout ce qu'il y a, je dirais, au sens de toute la vie de l'esprit, pourrait-on dire, avec Anna Arendt de nouveau, mais tout ce qu'il y a de politique, tout ce qu'il y a de délibératif dans la vie humaine. Et globalement, il s'agit d'éliminer la réflexion. Regardez comment fonctionne Facebook, encore une fois. Facebook fonctionne uniquement sur j'aime, j'aime pas. Ami, ennemi. Et donc, pour ou contre. D'ailleurs, les grands débats aujourd'hui, c'est pour ou contre, comme s'il s'agissait de ça et pas d'aller en profondeur, de comprendre ce qui se joue. Mais ce n'est pas seulement d'aller en profondeur, parce qu'on ne veut pas demander à tout le monde d'aller en profondeur et ça n'intéresse pas tout le monde, etc. Mais c'est que ça fonctionne uniquement sur les affinités. C'est vraiment ami-ennemi. C'est du Carl Schmitt, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie politique. Bon, le point, c'est que quel effet ça produit ? Mais ça produit comme effet que finalement, on se retrouve dans une espèce d'entre-soi, immense entre-soi. Et si on a 100, 1000 ou 3000 amis, au fond, ce sont des amis choisis, quand ils sont choisis, uniquement sur les affinités. Donc ça veut dire qu'on se confronte plus du tout à l'altérité, qu'on se confronte plus à autre chose, à quelque chose qui dérange, à quelque chose, etc. Donc on a vu les effets que ça peut avoir. Moi, je pense que cet effet d'affinité a eu, au fond, un impact considérable sur la victoire de Donald Trump, parce que évidemment, au fond, on a poussé cette logique jusqu'au bout. Donald Trump n'arrêtait pas de dire des mensonges tous les jours. CNN et les grands médias se plaisaient à noter tous ces mensonges. Donc c'est pas moi qui invente, c'est qu'il listait la liste de toutes les absurdités qui étaient factuellement fausses, quoi, qu'il a dites. Mais ça n'intéresse plus personne, parce que la question, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, etc. La question, c'est de savoir j'aime, j'aime pas. Alors on peut dire la plus grosse idiotie du monde, si je l'aime parce que ça va dans mon humeur, ou ça défend mon intérêt, ou que juste ça me plaît parce que je ne sais pas pourquoi, eh bien ça va. Vous voyez, donc de ce point de vue-là, ce sont des médias qui effectivement visent à abolir la réflexion, la pensée, la réflexion, et surtout, je dirais, la confrontation à l'altérité, quoi. Ça c'est quand même le béaba, c'est-à-dire qu'on se confronte à quelque chose qui est différent, quelque chose qui est dérangeant, qui nous oblige en quelque sorte à nous décentrer, Pour prendre le point de vue de l'autre, pour essayer de lui répondre, ne serait-ce que pour le contredire, hein, il faut quand même un minimum de décentrement, etc. Ben, là, on est dans le centrement total, on est dans une espèce de on se capitonne en quelque sorte en s'entourant d'amis qui globalement pensent la même chose que vous. Et donc voilà, c'est ça la défaite au fond de la pensée ou l'abolition de la pensée et de la vie de l'esprit. Mais on est d'accord, Marc, qu'il y a la numérisation, puis il y a la vie. Mais en même temps, cette numérisation prend tellement le pas dans la vie, dans le quotidien, c'est ça aussi. Est-ce que tu me comprends ce que je veux dire ? Je veux dire, il y a la vie, il y a le fait d'aller se balader dans la forêt, il y a le fait d'aller dans une bibliothèque lire des livres, il y a le fait de faire un bon repas. La numérisation n'est quand même pas encore à ce point-là, partout occupée à nous contrôler, quoi. Oui, ça, j'avais envie de dire. Oui, c'est pour ça qu'on peut garder un soupçon d'espoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je déplore la non-conscience des gens, mais en même temps, je sens aussi que quand même, plus on parle de ces choses, plus on ouvre les yeux, par exemple pour les étudiants, c'est très important. Il se trouve que je donne un cours sur la technique à l'université, où j'essaie de faire prendre conscience aussi à mes étudiants de la situation actuelle par rapport au numérique. Ils me sont globalement, je crois, très reconnaissants. Hein, c'est ça que je lis dans leurs yeux et qu'ils me disent d'ailleurs que bon, ce sont des choses qu'ils n'ont jamais entendues, auxquelles ils n'avaient jamais pensé, parce que pour eux, la technologie numérique, c'est une seconde nature maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. On voit bien la facilité avec laquelle les petits-enfants jouent avec les écrans tactiles, etc., beaucoup plus que les gens qui sont pas nés là-dedans, quoi. Et donc voilà, je pense qu'il y a un immense travail de conscientisation à faire. Ce que vous dites est vrai, il reste la vie. Vous le dites fort justement, c'est très important. Je pense que l'ultime point de résistance, c'est la vie telle qu'on l'éprouve dans un bon repas, dans une promenade en forêt, si on n'a pas un bracelet connecté qui mesure nos nombres de pas, notre vitesse, etc. Mais c'est vrai que la vie, avec ce qu'elle comporte de joie, de peine, de jouissance, etc., c'est au fond le bastion sur lequel on peut compter d'une certaine manière pour résister. Mais en même temps, et c'est ça le point fondamental, c'est que le capitalisme veut coloniser la vie, veut justement coloniser la vie. Donc je vois bien qu'il y a la vie qui nous permet de résister, mais le projet capitaliste, et ça c'est pour la première fois. Donc c'est pour ça aussi qu'on bascule dans quelque chose d'autre. Donc il ne s'agit pas juste de marchandises, d'échanges de marchandises, du marché au sens, si vous voulez, classique et courant du terme. Là, il s'agit vraiment de s'emparer véritablement de la vie à travers nos comportements et à travers, au fond, notre psychisme. Parce que si je reprends l'exemple des cookies que je donnais tout à l'heure, c'est bien, au fond, notre désir qui veut remplacer, au fond, la réflexion ou toute cette épaisseur dont je parlais tout à l'heure, la remplacer, au fond, par un clic. Cliquer n'est pas désiré, quoi. Voilà. Alors, quand je déplore l'inconscience des gens, la non-conscience des gens par rapport à ça, je me dis qu'au fond, plus on numérise notre monde, c'est un peu la politique du pire, si vous voulez, plus on numérise, plus les gens quand même vont finir par résister. Parce qu'ils vont se rendre compte que quand même, c'est pas possible, si vous voulez. Voilà, il y a des limites à ne pas franchir. Alors maintenant, c'est la tâche du philosophe et des gens de réflexion, si vous voulez, de réfléchir, quelles sont les limites à ne pas franchir, comment faire, etc., etc. Mais je pense que effectivement, quand vous dites la vie, moi j'ai presque envie de dire le corps, quoi. C'est au fond presque le corps qui va dire non au fond au bout d'un moment, parce qu'on voudra pas être mesuré dans chacune de nos activités. Je veux dire quand ce sera parce que maintenant c'est intrusif, mais encore une fois. C'est à la fois intrusif et jouissif quand même, puisqu'on le fait de notre plein gré, parce que c'est très pratique de pouvoir commander tous ces billets et tous ces biens sur Internet. Et quand ce sera trop intrusif, je pense que, au fond, la vie, c'est-à-dire le corps, dira non. En tout cas, c'est par là que ça passera. Ça passera pas, et je le déplore évidemment, par les arguments, par la réflexion. Parce qu'au degré, si vous voulez, d'adhésion passive, où sont les gens d'une manière générale, et auquel on ne demande pas leur avis, et de toute façon, on n'échappe pas à cette évolution, mais de fait, il y a une adhésion passive. À ce degré d'adhésion, si vous voulez, la réflexion ne sert à rien. Voilà, tout le monde sait que notre smartphone nous piste, etc. Ça n'a jamais empêché personne, ou si marginalement, n'est-ce pas, d'avoir un iPhone. Donc, au fait, il n'y a que quand le corps, la vie elle-même dira non, qu'en fait, on pourra amorcer une résistance. Ouais, et même pas sûr. On verra. Oui, on verra. Mais c'est comme si, oui, y avait ce numérique qui faisait en sorte qu'on devienne de plus en plus inhumain, en fait. On perd notre humanité aussi, c'est ça qui se passe. Mais ce qui est particulier, je trouve, c'est que moi, quand j'ai écouté votre conférence, ça m'a parlé terriblement. C'est-à-dire que je ne suis pas pour ou contre le numérique, hein. Je suis comme tout le monde, je ne me mets pas au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire que je trouve ça très pratique. Je me suis posé la question quand même à la dernière minute, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un smartphone, voilà. Puis en fait, ça m'a facilité la vie, il y a plein de choses que je fais beaucoup plus facilement, etc. Mais je sens qu'il y a quelque chose. C'est surtout aussi quand je me balade dans la ville, je vois mes contemporains. Enfin, c'est quand même dingue cette image-là, c'est-à-dire qu'on est tous dans notre smartphone, dans des lieux publics. Il y a les smart cities aussi, vous voyez, ces villes connectées. Ça fait un peu peur, quoi. Voilà, ça fait un peu peur. Du coup, quand j'ai entendu votre conférence, ça m'a terriblement parlé, mais je suis pas sûre que là, maintenant, on arrive à bien rendre. Parce que vous aviez vraiment fait tout un exposé qui tenait bien la route. Là, j'ai l'impression que ça fait comme si on était deux rabougris comme ça, qui disions oui, le numérique, c'est vraiment une sale bête. Vous voyez, comme si on diabolisait un peu la chose. J'ai l'impression qu'on ne rentre pas vraiment dans le vif du sujet pour bien faire comprendre, en fait, que c'est un enjeu vraiment qui attaque la pensée, quoi. Voilà, parce que je trouve qu'on fait vite des raccourcis, hein. On n'a pas non plus plein de temps, mais est-ce que vous pourriez un peu développer, ben, moi avec, hein, mais... Mais écoutez, encore une fois, je ne diabolise pas le numérique, c'est surtout l'emploi qu'on en fait. Donc cet emploi, au fond, qui vise à simplement coloniser la vie par le capitalisme, hein, voilà, à mon avis, c'est ça le grand malheur. Voyez, par exemple, je vais vous donner un autre exemple, ça parle peut-être encore davantage. Vous voyez qu'on a, depuis une vingtaine d'années, 25 ans, on a cette manie de l'évaluation partout, et en particulier dans le monde du travail. Mais évidemment, ça a débordé maintenant largement le monde du travail. Mais on est évalué partout. Au travail, les gens sont évalués, non seulement évalués, mais ils doivent s'auto-évaluer, ce qui est quand même... Ils doivent s'auto-évaluer, donner leurs propres objectifs, alors ils le donnent à leur N plus 1, puis leur N plus 1 lui-même, il est évalué ça remonte jusqu'aux actionnaires, etc. Donc il y a cette espèce de spirale de l'évaluation, maintenant qui envahit complètement notre quotidien, c'est-à-dire que dans les toilettes de Zaventem, il y a trois boutons maintenant, vert, orange et rouge, à la sortie, que vous devez presser, qu'on vous demande de presser, pour bien tout, ce sera obligatoire, j'imagine. Hein. La porte ne s'ouvrira pas si vous n'avez pas donné votre indice de satisfaction de la propreté des toilettes, etc., etc. Donc, je veux dire, partout, questionnaire d'évaluation, etc. L'évaluation, c'est quelque chose de terrible, en fait. Non pas qu'il ne faille absolument pas évaluer, mais cette manière d'évaluer est absolument terrible. Pourquoi ? Parce que, le plus souvent, il s'agit d'évaluer quelque chose qui est essentiellement qualitatif, en termes quantitatifs. Vous voyez, par exemple, je sais pas, la relation médicale, par exemple, à quelque chose, donc la relation que vous avez avec votre médecin, c'est, ben, voilà, typiquement quelque chose de qualitatif. C'est-à-dire, c'est pas la même chose que de remplir un questionnaire sur l'ordinateur, ou, etc., de dire où on a mal, etc. Vous avez quelqu'un qui est empathique, qui vous regarde, etc. Vous êtes en lien avec quelqu'un, voilà. Et on prend le temps. Même chose pour la relation pédagogique, etc. Tout ça sont des choses... essentiellement qualitative, qu'on veut transformer, convertir en quantité. Alors vous avez une échelle de 1 à 10 et vous donnez votre indice de satisfaction. Bon, le problème, c'est que ça, par exemple, hein, ça pourrait être anecdotique, mais ça a des effets terribles, parce qu'en fait, comme on vous demande à chaque fois d'évaluer en quantité, vous ne pouvez évaluer que ce qui est quantifiable, précisément. Hein ? Que ce qui est quantifiable. Or, l'essentiel, par exemple, d'une relation humaine, la relation médicale, la relation pédagogique, et ce genre de choses, ben elle n'est justement pas quantifiable. Mais comme elle n'est pas quantifiable, donc vous pouvez pas, ça n'entre pas au fond dans le formulaire d'évaluation. Et quel effet est-ce que ça produit à moyen et long terme? C'est que tous les aspects non quantifiables vont être en fait éliminés. Vont être éliminés. Et c'est comme ça qu'on fabrique en fait des robots humains. C'est-à-dire vous n'aurez plus en face de vous effectivement un médecin. J'ai dit que de toute façon, eux, c'est une profession menacée, comme celle des juristes aussi. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les juristes sont aussi une des professions menacées par Google. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Je ne sais plus où j'en étais, j'ai perdu le fil. Mais donc... On parlait de la qualité de la... qualité, que la qualité s'en allait. Voilà, et donc qu'on élimine de plus en plus cet aspect qualitatif, ce qui a pour effet, au fond, de produire des relations tout à fait mécaniques, robotisables, automatisables. Alors évidemment, si on réduit par exemple la relation médicale à ce qui est simplement quantifiable, alors évidemment qu'on pourra remplacer les médecins par des robots. Parce que alors, ce sera pas différent. On n'aura qu'à remplir un questionnaire détaillé, etc. Mais c'est justement ce qui n'est pas remplaçable par le robot qui fait tout l'intérêt humain, je dirais, de la relation médicale. Donc c'est dans ce sens qu'il y a quelque chose de tout à fait, si vous voulez, maléfique dans la numérisation. Toujours avec en précisant hein, qu'en même temps, il y a un aspect à la fois pratique, confortable et jouissif. Donc c'est ça vraiment l'ambivalence face à laquelle nous sommes. Et au fond, si vous voulez que je précise ma pensée sur ce point, ce qui me semble, moi, ce qui m'alarme, si vous voulez, c'est que on nous s'impose d'elle-même, en quelque sorte, des attentes de comportement auxquelles on est obligé de répondre. C'est les modes de vie, ça. Et c'est ce que j'appelle exactement des modes de vie. C'est ce que j'appelle des modes de vie. Mais ce sont les attentes de comportement que la société nous impose. Alors, par exemple, une attente de comportement massive, à laquelle on pense même pas, tellement elle nous semble naturelle, c'est de travailler. On doit gagner notre vie en travaillant. Alors, maintenant, on voit, il y a tout un débat en France autour de l'allocation universelle ou du revenu universel, etc. Puis on voit tout de suite les résistances immenses. Mais comment le travail? Moi, je suis pour le travail, nous dit Valls. Je suis pour une société du travail. Ah bon, il est pour une société du travail. Je trouve ça phénoménal comme phrase, quoi. Il est pour une société du travail. Ouais. Voilà, sans se demander quel travail, pourquoi, pour qui, etc. Je trouve ça vraiment d'une myopie sociale absolument... phénoménal. Je préfère de loin ce que mon collègue et ami Philippe Van Parijs, qui est un des promoteurs de l'idée d'allocation universelle déjà depuis les années 80, disait dès le départ. Il dit, mais si on veut une société vraiment libérale, c'est-à-dire qui respecte la liberté des individus et de leur choix de vie et de leur préférence de vie, alors il faut leur donner la possibilité de ne pas travailler. Voilà. Sans quoi, on est dans une société, effectivement, du travail, mais une société du travail est éminemment répressive pour ceux qui ne veulent pas travailler ou qui n'ont pas la même conception du travail, ou etc. Alors, on vient tout de suite après avec les questions de « mais alors, comment est-ce qu'on produit de la richesse, etc. » Bon, on peut répondre à tout ça, naturellement, mais vous voyez, il y a une espèce d'étroitesse de vue sur la question du travail. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une des attentes de comportement massive qu'on a. Mais il y a plein d'autres... Nous subissons, vous et moi, tout le monde dans la société, plein d'attentes de comportement, par exemple, je sais pas qu'on sache avoir un comportement consumériste, par exemple. Voilà, on nous incite de plus en plus à être consumériste dans tous les domaines de l'existence. Il faut savoir ce que c'est, comment se comporter dans un magasin, dans une transaction commerciale, etc. Le système est conçu pour qu'on soit consumériste. Voilà, c'est pour ça que je dis que le système, au fond, génère des tas d'attentes de comportement dont on n'est en général pas conscient parce qu'en fait, on est né dedans et puis on les a intériorisés, et puis, etc. Mais voilà, aussi, justement, la technique nous impose de plus en plus d'attentes de comportement. C'est-à-dire qu'on attend maintenant de tout le monde qu'il sache utiliser un écran tactile, tapoter sur un clavier, le mail, etc. Bon, tout ça, c'est des attentes de comportement qui génèrent... qui génère certains comportements. Par exemple, pour le mail, c'est très, au fond, intrusif, d'une certaine manière, le mail, parce que vous devez répondre. C'est-à-dire, si vous ne répondez pas, déjà 3 jours, c'est énorme, mais donc, le mail, avec cette espèce d'instantanéité ou demi-instantanéité, si vous voulez, donc il y a des attentes de disponibilité. On attend que les gens soient disponibles. La même chose avec le téléphone portable. On attend que vous soyez disponible. Si vous ne répondez pas, sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Chez les jeunes, quand vous êtes sur un réseau social où il y a des chats en direct, si vous voulez, si vous ne répondez pas dans les 5 secondes, ça passe pour une insulte. Vous voyez, donc ça génère, en fait, ça génère. C'est des attentes de comportement qui s'imposent, qui génèrent certains types de comportements qui sont donc attendus et qui deviennent la norme. Bon, le point, si vous voulez, c'est que ces attentes de comportement sont la chose la plus importante, plus exactement, c'est la chose qui nous affecte le plus dans notre vie sociale. C'est ce qui nous affecte le plus dans notre vie sociale. C'est-à-dire que nous devons savoir nous comporter de la manière dont c'est attendu. Alors on peut s'écarter, on peut, etc., mais il y a une espèce d'injonction, si vous voulez, à se comporter d'une certaine manière. De plus en plus, c'est la technique qui nous enjoint à ces comportements. Je viens de donner l'exemple du mail. Vous êtes enjoint à répondre dans un délai extrêmement court à vos mails. Donc, c'est ce qui nous affecte. Ces attentes sont ce qui nous affecte le plus dans notre vie sociale. Or, nous avons absolument, perdu, nous sommes dépossédés du pouvoir d'agir sur ces modes de vie, c'est-à-dire d'agir sur ces attentes de comportement. Vous voyez ? Alors, il y a un immense paradoxe. Qu'est-ce que j'appelle le paradoxe démocratique de notre temps, c'est qu'en même temps, nous sommes des êtres démocratiques, parce que nous sommes nés dans des cultures politiquement démocratiques, donc on peut choisir nos élus, on valorise notre autonomie d'une manière générale, le choix, etc., donc les droits de l'homme et tout ça, enfin toute cette éthique de l'individu, mais en même temps, ce même individu, il est plongé dans des modes de vie sur lesquels il n'a aucun pouvoir, et qui déterminent en fait entièrement son existence sociale. Parce que notre existence sociale, c'est savoir répondre à des attentes de comportement. Vous voyez ? Alors, ça, c'est vraiment un paradoxe. Vous voyez ? Donc, là, il y a une question fondamentale. Il y a une question fondamentale qui est celle de est-ce qu'on peut se réapproprier, en quelque sorte, ces modes de vie ? Est-ce qu'on peut démocratiquement se réapproprier ces modes de vie ? Voilà, ça, c'est un enjeu, véritablement. Et ce qui se passe avec le numérique, n'est-ce pas ? C'est que via le numérique, via le médium numérique qui s'impose et s'infiltre de plus en plus, eh bien, nous sommes de plus en plus dépossédés, en fait, de nos comportements, de nos choix autonomes, de nos choix politiques. C'est surtout de ça que les gens, que nous devrions être conscients. C'est toute cette réflexion que vous venez de développer. C'est de ça qu'il faut être conscient, je trouve. Oui, je pense que cette emprise des modes de vie, si vous voulez, si on met le doigt dessus, si on met les mots qu'il faut, je pense que ça peut être quelque chose qui enclenche la réflexion, si vous voulez. Hein, parce que, j'y avais pas pensé, etc. Mais les modes de vie sont quelque chose de redoutable. Hein. Donc je précise que vraiment j'appelle mode de vie ces attentes de comportement. Donc les modes de vie, c'est pas vraiment, si vous voulez, ce que nous faisons. C'est pas une description de ce qu'on fait. C'est ce qui est attendu de nous que l'on fasse. Et c'est très important de le définir comme ça parce que on voit tout l'aspect normatif. Hein. Vous n'avez pas un exemple concret ? Je viens de les donner. On attend de nous qu'on travaille, qu'on gagne notre vie en travaillant. On attend de nous qu'on soit consumériste. On attend de nous qu'on sache manier la technique, etc., etc. Vous voyez, des attentes comme ça très, très puissantes. Toutes les attentes administratives qui pèsent sur nous, tout ça, on peut pas s'y soustraire. Donc, je veux dire, c'est vraiment... C'est la norme quelque part que vous parlez. C'est la norme, mais c'est important de dire que cette norme, en fait, elle exprime une attente de comportement. Voilà, pour moi, c'est très important parce qu'en même temps, ça montre l'aspect normatif et d'un autre côté, ça montre aussi que c'est des attentes de comportement. Donc, on peut essayer de vouloir s'en écarter parce qu'une attente, ce n'est pas une détermination causale. Hein, c'est pas comme la pierre qui tombe à la verticale. C'est pas une détermination causale. Donc c'est une attente. Donc on peut lui donner une réponse. Et donc c'est là que je vois un espoir que ben, puisque c'est une attente, ben, peut-être on va pouvoir essayer de modifier ces attentes et de leur donner d'autres réponses. Voilà. Mais pour ça, il faut... et ça, c'est un aspect pour moi important dont je n'ai pas encore parlé, mais si on veut vraiment agir sur les modes de vie, si on partage ce diagnostic, au fond, sur les modes de vie... et qu'on juge qu'il est important quand même de reprendre en main tout cela, eh bien, il nous faut, c'est une thèse que je défendrai vraiment fortement, il nous faut une institution qui soit à la hauteur de ces modes de vie, quelque chose qui soit susceptible de modifier ces modes de vie. Vous voyez, c'est très important et c'est là-dessus aussi que je me, en particulier que je me distingue de mes collègues critiques. Par exemple, j'en ai cité deux, Éric Sadin ou Bernard Stiegler. Eux ne pensent pas à cette question institutionnelle. Moi, je pense qu'il faut absolument poser le problème en termes institutionnels pour une raison toute simple. C'est que, comme je l'ai déjà dit, les comportements individuels, c'est-à-dire les réponses individuelles à ces différentes attentes, ne changeront rien au système. C'est-à-dire, vous pouvez bien vous retirer du monde du smartphone, si vous voulez, ça ne changera évidemment rien sur l'ensemble du système. Vous pouvez vous refuser d'évaluer, vous pouvez pas refuser d'être évalué, mais éventuellement vous pouvez refuser d'évaluer, etc. Ça ne change rien à la logique globale du système d'évaluation. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Le système est infiniment plus fort. Le système et les attentes qu'il génère est infiniment plus fort que les réponses individuelles qu'on peut leur donner. Par conséquent, si on veut pouvoir agir politiquement, il ne faut pas agir sur les comportements individuels ou au niveau des comportements individuels, il faut agir sur les attentes elles-mêmes. Or, les attentes sont générées par le système. Et si on veut être à la hauteur de ces systèmes, il faut organiser l'agir collectif, l'agir commun. Un agir individuel et même une multiplication d'agir individuel ne fera rien. Même si tout le monde refusait maintenant le smartphone, ça ne changera rien au système numérique dans son ensemble. Hein, ça embêtera le marché du smartphone, si vous voulez. Mais le marché trouvera un moyen de vite corriger cela. Ça ne changera rien à cette logique de la numérisation, de la quantification qui est en train de se mettre en place et à laquelle nous participons tous. Et donc, si nous voulons orienter autrement, tout cela, eh bien, il faut une institution qui soit à la hauteur qui soit à la hauteur du système qui génère ces attentes, en quelque sorte. Alors, par institution, je ne veux pas forcément dire, vous voyez, un parlement avec des députés, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Parce que là, il faut faire fonctionner, au fond, notre imagination institutionnelle, c'est très important, il faut travailler là-dessus. Il faut imaginer des nouvelles institutions, par exemple avec Internet. Je veux dire, le numérique pourrait se retourner contre lui-même, vous voyez, d'une certaine manière. C'est utiliser le numérique, ça se fait. Donc il y a beaucoup, beaucoup, là je ne parle pas en l'air, hein, il y a beaucoup d'expériences qui se font. Il y en a une très belle qui s'est faite en Tunisie, où il y a tout un projet de loi, qui s'est fait comme ça, avec sur Internet, en recueillant les arguments, avec obligation de répondre aux arguments, filtrer les arguments, etc., etc. Enfin, tout un processus qui fait que... on a utilisé véritablement Internet comme instrument non seulement de participation, ça c'est facile, mais comme instrument de délibération, ça c'est beaucoup plus difficile. Et il faut réfléchir à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à ça qu'il faut réfléchir. Il faut absolument qu'on ait la force politique et la force d'imagination d'imaginer de nouvelles institutions. C'est quand même pas sorcier non plus. Il y a, qu'est-ce qu'il faut dire, 30 ans, 40 ans, on a inventé les comités de bioéthique. Comités de bioéthique, ils sont nés comme ça, par décret. On s'est dit, ah ben tiens, maintenant, étant donné toutes les évolutions dans la génétique, etc., il nous faut une institution qui réfléchit spécifiquement là-dessus, et on l'a fait. Donc c'est pas si sorcier, vous voyez. Le problème, c'est qu'ici, les enjeux commerciaux sont infiniment plus grands encore. Bon, ça c'est un problème, mais une institution, ça s'invente, une institution, ça se crée, vous voyez. Et je vois pas pourquoi on ne ferait pas une institution, je vois pas ce qui s'opposerait, si vous voulez, à faire une espèce d'ONU, par exemple, de la technologie, ou vous voyez, enfin, ou de la numérisation, ou de faire des états généraux. Vous voyez, il y a plein de scénarios possibles. Hein, il y a plein de scénarios possibles qui sont très... Si je comprends bien, c'est de se mettre ensemble et de se reposer les vraies questions par rapport à ce numérique, quoi. Exactement. Mais pas tout seul. Tout seul, ça sert à rien. Il faut le faire à plusieurs. Voilà. Exactement, exactement. Et d'autant plus que ici, le problème, c'est que, vous voyez, tout ça nous est imposé de manière mécanique. Hein. On n'a jamais, ni à vous, ni à moi, ni à personne, on a demandé, est-ce qu'on voulait ça? Est-ce qu'on voulait des robots? Est-ce qu'on voulait des voix enregistrées au téléphone? Est-ce qu'on veut se faire soigner par des robots, etc., etc. On nous a jamais demandé. Ça s'impose tout seul. Et donc, moi, je pense que la tâche d'une institution comme ça, ça doit être prioritairement d'instiller, si vous voulez, de la réflexion dans ces mécanismes. Hein? Ce serait le grain de sable, en fait, qui enraye la mécanique aveugle du système qui, pour l'instant, se reproduit de manière tout à fait automatique et aveugle, c'est-à-dire totalement indépendamment de nos volontés. C'est pour ça que c'est très important de dire que tout ce système numérique, actuellement, il ne sert pas notre bien-être, mais le bien-être des grandes entreprises que j'ai citées, et que ça doit déjà dessiller notre regard, ça doit déjà ça doit nous faire prendre conscience, et après, dans un deuxième pas, dire, bon, ok, alors réfléchissons à qu'est-ce qu'on fait maintenant de toutes ces évolutions numériques, quelle orientation on leur donne. Super, c'est très bien clair, c'est clair, c'est très bien clair, c'est clair. Mais comment on faire, monsieur Marc Younadi? Ounyadi. Comment faire pour continuer des lectures, de la recherche, pour continuer plus en profondeur là-dedans? Qu'est-ce que vous auriez à transmettre aux gens qui écoutent? J'imagine vos livres. Une recommandation? Bah écoutez, là vous me prenez un peu au dépourvu, mais je vais vous dire les dernières choses que j'ai lues. Voilà, moi j'ai été... je pense qu'au niveau, si vous voulez, de la description... Du diagnostic de ce qui se passe aujourd'hui, le livre d'Éric Sadin, qui s'appelle « La silicolonisation du monde », est excellent. Il répète un peu ce qu'il avait dit dans un autre livre qui s'appelait « La vie algorithmique », qui est très bien aussi, qui fait une espèce de diagnostic. Je ne suis pas d'accord du tout avec lui sur ses options, si vous voulez, éthiques et politiques, comme j'ai essayé de le dire. Maintenant, quelqu'un qui va très en profondeur sur ces questions, c'est Bernard Stiegler, avec cet avertissement que je dois donner, qu'il a un vocabulaire pour lequel il faut s'armer, si vous voulez. Donc, ce n'est pas une lecture facile. En revanche, on trouve ses conférences sur YouTube qui, elles, sont beaucoup plus accessibles, si vous voulez, que ces livres, qui sont quand même assez techniques. Voilà, c'est ce qui me vient dans la littérature française, parce qu'il y a toute la littérature anglophone aussi, mais c'est ce qui me vient à l'esprit pour recommander. Et puis, je ne saurais trop vous recommander non plus la lecture de « La tyrannie des modes de vie » d'un certain Marc Ounyadi. Merci bien, hein.